بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, les frères, on va essayer de voir deux chapitres, inshallah ta'ala. Le premier chapitre, la parole de l'auteur, rahimahullah, Babu Maja'a fi Nushra. Le chapitre concernant les textes liés à Al-Nushra, le désenvoûtement. Il nous dit, rahimahullah, An Jabirin radiallahu anhu, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an al-Nushra fekol, Hiya min amali shaytan. Rawahu Ahmed bisanadin jayyid wa Abu Daoud. Et donc selon Jabir radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fut interrogé concernant le désenvoûtement et il a dit « Celui-ci fait partie des œuvres du diable » rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne, avec une bonne chaîne de transmission ainsi que Abu Daoud. Ce hadith il a été donc authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Il nous dit l'auteur rahimahullah « وَقَدْ سُوْئِلَ أَحْمَدْ عَنْهَا فَكَالَ Ibn Mas'ud yakrahu hadha kullahu. L'imam Ahmed, il fut interrogé concernant cela, le désenvoûtement, et il a dit que Ibn Mas'ud, il déteste tout cela. Ibn Mas'ud, il déteste tout cela. Le désenvoûtement, barakallahu fikoum, lorsqu'une personne va être ensorcelée, on lui a fait un sihr. Et bien parfois, des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir un sorcier. Ils vont aller voir une personne pour défaire le sihr, pour défaire la sorcellerie qu'on leur a fait. D'accord ? La personne ne se sent pas bien, on lui a fait quelque chose, et bien la solution, ils se disent, je vais voir un sorcier. Ou alors ils disent, je vais voir, on m'a dit que c'est tel sorcier qui m'a fait cela. Et donc il va voir le sorcier, il dit au sorcier, tu m'as ensorcelé, désenvoûte-moi. Alors le sorcier lui dit, ok, si tu veux que je te désenvoûte, il faut que tu fasses ça, ça, ça, ça, ça. La personne va faire les causes. Et le sorcier va pratiquer le désenvoûtement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ceci fait partie des œuvres du diable. Wa fil Bukhari an Qatada. Qultu ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ay yuhallu anhu aw yunshar. Qal la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa' Dans Sahih al-Bukhari, là c'est pas un hadith que le Bukhari a cité avec sa chaîne de transmission, mais il l'a cité sans la chaîne de transmission, même s'il y a donc d'autres chaînes de transmission qui sont citées dans d'autres livres, et les savants ont dit cela authentique. Et donc, selon Qatada, qui dit à Ibn al-Musayyib, il lui a dit un homme qui a été ensorcelé, ou qui n'arrive pas à s'approcher de sa femme. Il n'arrive pas à s'approcher de sa femme. Ce qui est voulu ici, c'est pour un rapport. C'est-à-dire qu'on a éloigné cet homme de sa femme et par la sorcellerie ou autre. Est-ce qu'on peut donc désenvoûter cet homme? Il dit, il n'y a pas de mal à cela. Ce qu'ils veulent, c'est ici, c'est donc arranger la situation. El-Islah. C'est arranger la situation de cet homme. Lui faire du bien. Par contre, donc, et donc il dit, ce qui est profitable n'a pas été interdit. Ce qui est profitable n'a pas été interdit. Et donc, Al-Hassan, il a été rapporté de lui qu'il a dit, le seul qui va désenvoûter, qui va et annuler la sorcellerie est le sorcier en lui-même. Et donc ça veut dire que si tu fais cela, tu vas aller voir un sorcier. Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc l'auteur qui nous cite après tout cela, après ces textes, parce qu'on voit ici donc que le désenvoûtement, il y a donc que c'est interdit, mais on voit aussi donc qu'il y a certaines méthodes de désenvoûtement qui ne sont pas interdites, parce qu'il nous dit, ils veulent ici arranger la situation de cet homme, l'aider, il a été ensorcelé, et ça n'a pas été interdit. Alors Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous explique cela, et il nous montre la différence entre les deux situations. L'auteur qui cite sa parole, « Qala Ibn al-Qayyim, al-nushratu hallu sihri anil mas'ur. » Le désenvoûtement, c'est le fait d'enlever la sorcellerie de celui qui a été ensorcelé. « Wa hiya nawa'an. » Et ce désenvoûtement est de deux genres. « أحدهما حل سحر نعم حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن. Et donc, la première forme de désenvoûtement est le fait de défaire une sorcellerie par une autre sorcellerie. Et c'est cela qui fait partie des œuvres du diable. Et c'est ainsi que nous devons comprendre la parole de l'Hassan, donc qui détestait la sorcellerie. « Fayatakarrabu nashiru wal muntasharu ila shaytan bima yuhib » Et donc, « al-nashiru » celui qui est le désenvoûteur, et celui qui se fait désenvoûter, les deux vont faire des actes pour se rapprocher du diable par ce qu'il aime. فَيُبْتِلُ عَمَلَهُ عَنِ السِّحْرِ Et à ce moment, Shaitan, il va donc rendre caduque, il va annuler l'œuvre de sorcellerie qui avait été faite. وَالثَّانِي أَنُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فَهَذَا جَائِز Ensuite, il nous dit la deuxième forme de désenvoûtement, c'est le désenvoûtement par l'exorcisme. L'exorcisme dans l'invocation, ainsi que Al-Ta'awudat, comme nous avons donc les deux dernières sourates du Coran, A'udhu bi Rabbil Falak, A'udhu bi Rabbil Nas, ainsi que par les antidotes, les médicaments, ainsi que par les invocations légiférées, il nous dit alors tout cela est permis. Et donc on a deux formes de désenvoûtement. Un désenvoûtement par la sorcellerie, et ça c'est interdit. Beaucoup de personnes par faiblesse, lorsqu'ils sont ensorcelés, retournent voir un sorcier pour les désenvoûter. Et on a une deuxième forme de désenvoûtement, c'est le fait d'utiliser la ruqya, le fait d'utiliser les invocations, de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de lui obéir. Et donc tout cela, c'est permis. Le cheikh Ubayd al-Jabiri, dans son explication, il nous dit « Usul mujarradin naf'i min ash-shay laysa musawwiran lahu wa innama al-musawwiru huwa hukm ash-shar'i » فما أحله الشرع وندب إليه فهو سائغ ومباح وما حرمه الشرع وحذر منه فهو محرم علينا ويجب علينا اجتنابه وإن كانت فيه منفعة. Il dit le simple fait qu'il y a un bien qui arrive par quelque chose ne le rend pas licite. Mais ce qui rend licite quelque chose et qui fait que nous pouvions le faire, c'est le fait que la législation détermine cela. Et donc ce que la législation a permis, a incité à le faire et a montré que cela est licite, alors ça c'est licite. Par contre, ce que la législation a interdit et a mis en garde contre cela, alors cela est interdit, même si on y voit une certaine forme d'élément qui est profitable. Comme cette personne qui est ensorcelée, elle pense qu'il lui est profitable d'aller voir ce sorcier pour la désenvoûter. Et parfois, certaines personnes vont te dire « Oui, j'ai été voir le sorcier, il m'a désenvoûté, ça a marché, etc. etc. » Et donc, les gens, ils vont se dire que c'est profitable et ils ne prennent pas en compte que dans la législation, ce qui est pris en compte, c'est l'interdiction. Et ce n'est pas ce que les gens pensent qui est profitable. Car en réalité, ce n'est pas profitable. En réalité, ce n'est pas profitable pour toi. Car ce qui t'a touché, cette sorcellerie qui t'a touché, ne t'a touché que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est une épreuve. Il faut donc que tu endures et que tu acceptes le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala sans transgresser. De la même façon que l'argent que tu possèdes est une épreuve et que tu ne dois pas transgresser par cet argent. Donc il est important de bien comprendre cela et de ne pas se précipiter aller vers les charlatans. Le chapitre d'après. Le chapitre concernant les textes liés à être tatayur l'augure. Ainsi que la parole d'Allah Ta'ala, Ela innama ta'iruhum indallah, walakinna aktharahum la ya'lamun. Certes, leur sort est auprès d'Allah, cependant la plupart d'entre eux ne le savent pas. L'augure, qu'est-ce que l'augure? Barakallahu fikum. L'augure, dans la langue arabe, le mot qui est utilisé, c'est « et-tatoyur ». « Et-tatoyur » qui vient de « et-toyuru ». Ça veut dire quoi « et-toyuru » Issa ? On avait traduit par « masrou ». Non ? L'oiseau, non ? L'oiseau. « Et-toyuru », l'oiseau. Et donc, al-tatayyur vient de ce mot-là. Pourquoi ? Parce que les Arabes, ils étaient connus pour faire de l'augure avec les oiseaux. Ils libéraient l'oiseau, ils le laissaient s'envoler ou le faisaient s'envoler. Ils regardaient dans quelle direction l'oiseau allait partir. S'il allait à droite, alors ils se disaient, c'est bon, ce qu'on a prévu est bon, alors on le fait. Si l'oiseau allait à gauche, ah non, ça c'est mauvais augure, ça veut dire que non, vaut mieux arrêter ce qu'on fait, etc. Et donc ça s'appelle de l'augure. C'est le fait de prédire l'avenir en se basant sur un fait, sur quelque chose qui s'est passé. L'oiseau, un fait qui n'a rien à voir. Attention, donc cet oiseau qui vole à droite ou qui vole à gauche n'a rien à voir avec le fait que tu dois voyager pour aller à Fort-de-France ou aller à Saint-Plus. D'accord ? Et donc ici, je parle bien de prédire, je ne parle pas de prévoir. Parce que la météorologie, ce sont des prévisions, ça ne rentre pas là-dedans. Ils te disent, lorsqu'ils te disent « il va pleuvoir », ils ne sont pas sûrs qu'il va pleuvoir. Mais ce sont des prévisions par rapport aux études, des déplacements des nuages, etc. etc. Et donc ça, ce sont donc des prévisions et ce ne sont pas des prédictions. D'accord ? On fait la différence entre les deux. Et donc, l'augure dans la législation, c'est le fait d'avoir donc un mauvais augure à cause de quelque chose qu'on entend ou qu'on voit ou quelque chose qui est connu. Quelque chose qu'on entend comme une parole, tu entends une mauvaise parole. Ah, c'est bon, si j'ai entendu ça aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne faut pas que je sorte de la maison parce qu'il va m'arriver un malheur. Ou alors, comme certains qui te disent, ah, si j'ai vu un chat noir, c'est qu'il va m'arriver un malheur ou qu'il va arriver quelque chose de mauvais aujourd'hui. Parfois, certains qui te disent, si j'ai vu une grosse mouche, c'est que ça, il va se passer, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de l'augure. Tout ça, ça fait partie de l'augure. Et nous devons délaisser cela. Et donc il y a clairement ici dans ce chapitre que l'auteur il nous met en garde contre l'augure, et il nous montre que cette pratique en réalité est une pratique anti-islamique, est une pratique qui était appliquée, qui était adoptée par les incroyants avant l'islam, et par les incroyants toujours après l'islam. Cela a perpétué, cela a continué. Et aussi l'augure contredit et tawakkul. Et tawakkul, c'est quoi tawakkul? Tawakkul, c'est placer sa confiance, non? Voilà, placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc l'augure contredit cela. Normalement, lorsque tu sors de chez toi, quelle invocation on fait quand on sort de chez nous? Voilà, bismillah, tawakkeltu ala Allah. Je mets ma confiance en Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Rien ne peut se passer sans la volonté d'Allah. Donc je mets ma confiance en Allah. Et donc le fait de croire à l'augure, cela est contraire au tawakkul. Parce que là, tu ne mets pas ta confiance en Allah, mais tu mets ta confiance en cette croyance que tu as. C'est cette croyance qui est basée sur des faits qui ne sont pas concrets. Et donc ici, parmi les formes d'augure que j'ai constatées en Martinique, on a aussi la parole un mariage qui tombe un jour de un mariage qui se produit durant un jour de pluie, c'est un mariage qui va échouer. C'est un mariage qui va échouer. Et donc sous prétexte qu'il a plu le jour du mariage, et donc ils te disent ah non, le mariage va échouer. Et donc certains vont annuler le mariage sous prétexte qu'il a plu afin que le mariage réussisse. Et donc tout ça c'est lié à l'augure. Tout ça c'est du mauvais augure. Et tout cela est interdit, formellement interdit, en islam. Et donc dans le verset que l'auteur a cité, l'auteur il nous cite en fait un verset qui est lié à Moussa alayhi salam avec son peuple. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala fait « Ida ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi » Et lorsque un bien les touche, ils disent « Ah, alors celui-ci nous est dû, c'est à nous, c'est à nous ». Mais lorsque c'est un mal qui les touche, alors ils vont croire par mauvais augure que leur sort est dû à Moussa et ceux qui sont avec lui. Allah tabaraka wa ta'ala réplique à cela et dit certes leur sort est auprès d'Allah, cependant beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, ne savent pas. Et donc, notre sort est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous ne devons pas avoir de croyances liées à l'obus. L'auteur qui nous cite ensuite un deuxième verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَقَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Et ils disent, c'est-à-dire qu'ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle d'un peuple vers qui Allah azza wa jalla, il a envoyé deux prophètes, deux personnes pour prêcher ce peuple. Ce peuple, ils ont refusé, ils n'ont pas accepté la vérité. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un troisième pour les prêcher. Ils n'ont toujours pas accepté la vérité et donc ils ont prétendu que ce qui les touchait comme mal était dû à ces trois prophètes. À ces trois prophètes, donc par mauvais augure. Alors là, ces trois prophètes-là, ils ont répondu, certes, votre augure, votre croyance dans l'augure, elle est avec vous. Et inzukirtum bel antum kormun musrifun. Et donc, est-ce que lorsqu'on vous fait le rappel, vous refusez la vérité, vous refusez de suivre le rappel, mais vous êtes un peuple outrancier. Vous êtes un peuple outrancier et donc ils vont transgresser. Et donc ici, on a dans ce verset encore un autre peuple qui ont eu cette croyance à l'augure. Et le verset précédent, donc c'était le peuple de Moussa. Et donc on voit clairement que l'augure existait avant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que cette pratique est une pratique des incroyants. Et donc il n'est pas normal qu'on trouve ce genre de croyance chez des musulmans, ce genre de croyance basée sur aucune science concrète, et que certains musulmans soient piégés par cela. D'autant qu'il nous dit, rahimahullah, an Abi Hurayrata radiallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. Et donc selon Abi Hurayrata رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, il n'y a pas de adwa. L'adwa, c'est la contagion. L'adwa, c'est la contagion, ce qui est voulu ici, la contagion de la maladie sans prise en compte du destin. La contagion de la maladie sans prise en compte du destin. Parce que les incroyants, pour eux, les incroyants à la période anti-islamique, ils pensaient que la maladie, dans leur croyance, la maladie, elle pouvait passer d'une personne à une autre, ou d'une bête à une autre, mais que cela n'était pas lié au destin. Et donc nous, en islam, nous croyons pertinemment que oui, la contagion, ça existe. Le fait qu'une maladie passe d'une personne à une autre, ou d'un animal à un autre, ça existe. Sauf que nous lions tout ça au destin. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si Allah, tabaraka wa ta'ala, veut que tu ne sois pas contaminé, tu ne seras pas contaminé. Mais cela n'empêche que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il nous a interdit, et il nous dit que si nous sommes dans une terre, dans un endroit dans lequel il y a donc une épidémie, alors nous ne devons pas en sortir. Et si nous nous dirigeons vers un endroit dans lequel il y a une épidémie, alors nous ne devons pas y aller. Et donc oui, nous devons nous protéger. Nous devons faire en sorte de nous protéger face aux maladies qui sont contagieuses. Mais nous devons aussi avoir la ferme croyance que rien ne se passe sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala et que tout cela est lié au destin. Et beaucoup, malheureusement, on se concentre sur les maladies. Les maladies palpables ou alors les maladies visuelles. Les maladies qu'on voit. On voit que telle personne, il a maigri, telle personne, il se sent très mal, il souffre, etc. Je ne veux pas avoir la même maladie que lui. Et donc, on fait les causes pour ne pas attraper cette maladie. Que ça soit le sida ou autre maladie que cela. Les gens font les causes, ils ont peur de ces maladies-là. Mais subhanallah, ils n'ont pas peur de la maladie du cœur. Subhanallah. Et ils ne savent pas que cette maladie du cœur, ils font comme si ils ne savent pas que cette maladie du cœur, elle est contagieuse. Une personne qui en a des maladies du cœur, des ambiguïtés dans sa religion et qui propage des ambiguïtés, eh bien les musulmans, on n'a pas de mal à écouter. On va écouter normal, on va écouter tous les cours d'une personne. C'est pas grave. S'il a une maladie du cœur, de toute façon, je vais me protéger, j'ai un filtre, je vais filtrer. Va filtrer aussi, va activer ton filtre pour les maladies qu'on connaît, telles que le sida, etc. Hein, va activer ton filtre. Pourquoi est-ce que pour les maladies mondaines, on va prendre des protections, mais pour les maladies religieuses, on ne cherche pas à se protéger? Pourquoi? Alors que les maladies liées à la religion sont plus graves que les maladies liées aux problèmes mondains. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, il n'y a pas de adwa, wala tiyara, il n'y a pas non plus, donc, de mauvais augure. Wala hamma, el hamma, ce qui est voulu par là, aussi, c'est une forme de mauvais augure. C'est une forme de mauvais augure, ici, c'est, donc, chez les Arabes, c'est le fait d'appliquer l'augure avec un oiseau de nuit, le hibou. Le hibou qui va faire un bruit pendant la nuit. Alors les gens, ils vont se dire, ah non, s'il a fait du bruit, c'est que telle ou telle chose. Etc. Et donc ici, c'est une croyance liée à un oiseau spécifique. Et le prophète qui nous dit, voilà, Safar. Ça aussi, Safar, c'est l'augure par rapport au mois de Safar. On a parmi les mois, non, il n'y a pas août, juillet, etc. Là, Safar, c'est un des mois donc, du calendrier égyrien. Et donc, les gens, ils vont avoir un mauvais augure, certaines personnes, par rapport à ce mois. Ils se disent, on ne va pas voyager durant le mois de Safar. Certains disent qu'il ne faut pas se marier durant tel et tel mois, etc. Tout cela fait partie de l'augure. Tout cela fait partie de l'augure. Et l'imam muslim, il a rajouté à cela, dans sa narration, « Wala naou, wala roul ». Et il n'y a pas de « naou ». Et « naou », ce sont les différentes positions des astres, ou alors les différentes positions de la lune. Les différentes positions de la lune. Et donc certaines personnes vont avoir certaines croyances par rapport à cela. Et tout cela, on le verra plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Je dis bien des croyances. Je ne parle pas de tout ce qui est lié à la physique, par rapport au fait que durant la pleine lune, il y a ça, etc., etc. Il y a des choses qui sont liées à la physique par rapport aux positions de la lune. Ça, il n'y a pas de mal à cela. Par contre, des croyances que certaines personnes vont avoir, ça, on le verra par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Et il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas non plus de roule. Elle roule, ce sont les attaques des djinns. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas que cela n'existe pas. Il ne dit pas que cela n'existe pas. Mais il nous montre, sallallahu alayhi wa sallam, que les croyants, ils n'ont pas la même situation que les incroyants face aux djinns. Les incroyants face aux djinns, ils sont apeurés. Ils sont apeurés et ne s'accrochent pas à leur Seigneur. Tandis que le croyant se préserve. Le croyant se préserve par l'obéissance à son Seigneur. Il se préserve par les invocations du matin et du soir. Le croyant se préserve par ses prières. Il se préserve par la récitation du Coran, etc., etc. Et donc tous ces éléments qui vont faire que le croyant se préserve et n'a pas cette peur du djinn que l'incroyant va avoir. Et donc ici, il est important qu'on ne doit pas avoir peur de ces créatures comme si on a l'impression qu'ils ont une puissance que rien ne peut arrêter. Alors que non, ce sont des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fala takhafu wa makhafu ni in kuntum mu'minin. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Il dit Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est important qu'on comprenne tout cela. Ensuite, rapporté par Al-Bukhari et Muslim Al-Anas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل الفأل قال الكلمة الطيبة. Et donc dans Sahih al-Bukhari et Muslim selon Anas que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit il n'y a pas de adwa. El adwa encore, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est donc la transmission de la maladie sans lier cela au destin. Et donc nous ne devons pas avoir cela. Car nous sommes musulmans. Chez nous, nous savons que tout ce qui se passe est lié au destin. Voilà, tiyara, encore une fois, donc il n'y a pas de mauvais augure. Et ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yu'jibuni al-fa'lu. Mais j'aime l'optimisme. J'aime l'optimisme. Il dit, et qu'est-ce que l'optimisme au messager d'Allah? Il dit la bonne parole. La bonne parole. Lorsque tu vois quelque chose et que cela va te rendre optimiste. C'est bien ça, optimiste. Optimiste. Lorsque tu vois ou que tu entends quelque chose et que cela va te rendre optimiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'a pas pu aller faire donc, le pèlerinage, lorsqu'il n'a pas pu aller jusqu'à la Mecque avec ses compagnons et que Quraysh leur en ont empêché, et donc Quraysh, ils ont envoyé des gens pour signer un pacte de paix entre Quraysh et les croyants. Alors là, à ce moment-là, il y a donc un qui est venu. À l'époque, il n'était pas encore musulman et il s'appelait Suhail. Il s'appelait Suhail. Alors lorsque Suhail il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il a dit donc « J'ai Suhail, sahoula amuruna ». Suhail, donc le nom Suhail, qui est proche du mot sahloun. Sahloun qui est la facilité. Et donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suhail il est venu, notre situation va être facilitée. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la distinction donc entre l'optimisme et le mauvais augure. Et donc on fait la différence entre cela. Quelle est la différence entre les deux, barakallahu fikoum? C'est qu'en fait ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu entends, ne doit pas te repousser de ce que tu veux faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire un pacte avec Quraysh. Le fait que Suhail il vient ou que Suhail ne vient pas, c'est pas ça qui va l'empêcher de faire ce pacte avec Quraysh. D'accord? Aujourd'hui maintenant, une personne, tu sors de chez toi, tu vois un chat noir, tu vois ou quelque chose d'autre, cela ne doit pas t'empêcher de faire faire ce que tu as à faire. Cela ne doit pas t'empêcher, ne doit pas te repousser. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa li Abi Daoud bi sanadin sahih an Ukbah ibn Amir qala dhukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ahsanuha al-fa'l wa la tarud musliman فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah est donc rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission. Donc l'auteur qui juge que la chaîne de transmission est bonne. Selon Ukbah ibn Amir qui nous dit que l'augure a été cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors on a parlé de l'augure auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a dit donc la meilleure partie ou la meilleure forme d'augure c'est el fa'lou. C'est quoi el fa'lou? C'est quoi le contraire du pessimisme? L'optimisme. Et donc la meilleure partie de la meilleure part de l'augure, c'est l'optimisme. Et donc, ça, c'est une forme qui est utilisée pour montrer que l'optimisme, c'est permis, mais l'optimisme, ça ne rentre pas dans l'augure. Attention, l'optimisme ne rentre pas dans l'augure. Et certes, il nous explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit, et cela ne repousse pas un musulman. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, mais lorsque tu vois que quelque chose, un chat noir ou un oiseau qui vole du côté gauche, etc., et donc la personne va voir cet élément, elle va avoir une croyance liée à l'augure, et elle va dire non, ben finalement je n'y vais pas. Et donc ça va la repousser. C'est ça l'augure, et c'est ça qui est interdit. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce texte, il est cité que le prophète il dit que cela ne repousse pas un musulman. Et que si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, alors qu'il dise « Oh Allah, il n'y a que toi qui viennes avec les bonnes choses, et il n'y a que toi qui repousses les mauvaises choses, et il n'y a de force ni de puissance que en toi, ou que par toi. » Ce hadith, l'auteur, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a jugé la chaîne de transmission authentique, mais la chaîne de transmission de ce hadith a quand même été critiquée, à cause du fait qu'il y a une rupture. Il y a une rupture dans la chaîne de transmission. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a jugé ce hadith faible. Ensuite, l'auteur qui nous dit « وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. Et donc ce hadith-là, il est authentique. Donc selon Ibn Mas'ud, qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « L'augure est du polythéisme, l'augure est du polythéisme, et il n'y a aucun d'entre nous sans, c'est-à-dire il n'y a aucun d'entre nous sans qu'il puisse, je dirais pas être touché par l'augure, mais sans que cela puisse lui arriver. » Donc il n'y a aucun d'entre nous sans que cela puisse lui arriver. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala fait partir cela, fait partir cette croyance, fait disparaître cette croyance avec at-tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah. C'est-à-dire que toi tu ne crois pas en l'augure, mais il y a une situation qui fait que cela arrive, que tu vois un élément qui fait que peut-être que ça va te repousser ou pas, mais Allah tabaraka wa ta'ala fait que toute cette mauvaise croyance, elle disparaît avec at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc au final, cet élément qui arrive en ta présence ne va pas te repousser, parce que tu fais confiance à Allah, tabaraka wa ta'ala, tu places ta confiance en Allah. Il faut savoir que, notamment la fin du hadith, donc le début du hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Donc l'augure est du polythéisme, l'augure est du polythéisme. Ça, c'est la parole du prophète. Les savants, ils nous disent concernant le reste, وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. Il n'y a aucun d'entre nous sans que cela puisse lui arriver, cependant Allah fait disparaître cela avec التَّوَكُّل. Les savants, ils nous disent, ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Inch'Allah ta'ala, si un jour on a le temps d'étudier un petit peu la science du hadith, on verra que parfois on appelle ça, il y a certaines parties dans certains hadiths, on appelle ça el-mudraj. C'est-à-dire que le narrateur, il cite une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il fait un commentaire. Ou alors il cite une parole de lui, mais il ne nous cite pas correctement, ou alors la façon dont le texte nous est rapporté, on ne voit pas correctement de distinction entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole du narrateur. Et c'est là que les spécialistes, les gens du hadith, par leurs études, en rassemblant des narrations, en rassemblant les chaînes de transmission, en faisant des recherches, eh bien les savants du hadith arrivent à distinguer, non, ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est la parole du compagnon. Et donc ici, donc comme je l'ai cité, la fin du hadith c'est la parole d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Abu Daoud ainsi que Tirmidhi, qui l'a authentifié. Et Tirmidhi d'ailleurs cite que la fin du hadith est la parole d'Ibn Mas'ud. Et donc ici on voit dans ce hadith, jazakumullahu khairan, que l'augure c'est du polythéisme. L'augure c'est du polythéisme. Et donc il faut faire très attention à cela. Comme je l'ai déjà cité, ça, il y a les formes d'augure peuvent varier d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. Parfois, moi je me rappelle dans ma famille par exemple, il y a certains qu'ils vont avoir une croyance à l'augure en fonction des formes, des croix. C'est-à-dire que si tu mets un matelas comme ça par terre et un autre matelas dans le sens perpendiculaire, ils vont te dire « Ah non, non, ça, c'est pas bon, ça, ça rappelle la croix du Christ, etc. Ça va nous porter malheur, etc. etc. etc. » Et donc, ça, ce sont des croyances que tu peux trouver par exemple en Martinique. Les musulmans qui vivent ici, donc dans un pays non musulman, et donc les gens qui sont autour de nous, ils vont avoir parfois certaines croyances. Ils vont avoir certaines croyances et qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on fasse attention à ne pas être touché par ces croyances-là et ne pas les suivre dans leurs mauvaises croyances, mais au contraire, rejeter le faux. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, ولأحمد من حديث عمرو من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. Et donc, dans le Mousnad de l'imam Ahmed, le hadith de Ibn Amr, qui dit, celui dont l'augure le repousse, celui dont l'augure l'empêche de faire ce dont il a besoin, alors celui-ci a fait du polythéisme. قالوا فما كفارة ذلك؟ Alors il dit, quelle est l'expiation de cela? Il a répondu en disant, أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. Et donc il dit qu'on doit répondre en disant, ô Allah, il n'y a pas de bien si ce n'est le tien. Et rien ne se passe sans ta volonté, et certes, il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Et donc, cette invocation est l'expiation de cette parole, est l'expiation, excusez-moi, liée à cette croyance. Si une personne, justement, il lui arrive que l'augure la repousse, alors à ce moment-là, il y a cette expiation à faire. Mais si la personne, comme on a cité précédemment, il y a une situation qui fait qu'elle va être touchée par l'augure, ou cela va arriver en sa présence, mais que, mais que cette situation ne l'a pas repoussée, cette situation ne l'a pas empêchée de faire ce qu'elle voulait faire, ou ce dont elle avait besoin, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'expiation à faire, incha'Allah ta'ala. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة من أنضاك أو ردك. Et aussi, donc l'imam, dans le musnad de l'imam Ahmed, le hadith de l'Fadl ibn Abbas, qui dit, certes, l'augure, c'est ce qui te fait, donc, c'est ce qui te fait avancer, ou ce qui te fait, ou ce qui te repousse. L'augure, c'est ce qui te fait avancer, ou ce qui te repousse. Et donc, c'est-à-dire qu'à la base, tu ne sais pas si tu vas faire telle ou telle chose. Mais il y a un élément qui se passe, et là tu dis, c'est bon, je le fais. Ah, c'est-à-dire en fonction de ce que tu crois. Voilà, en fonction de la croyance. Et donc, soit tu dis, voilà. Ah, ok, j'avance. Ouais. Et donc tu ne sais pas si tu le fais, mais il y a un élément qui arrive. Exemple, un chat blanc qui passe. Ah, ouais. La personne voit un chat blanc passer, ah, c'est bon, je le fais, vu que c'est un chat blanc qui est passé. Maintenant, la personne, elle est dans le doute. Et là, c'est un chat noir qui passe. Ah non, il y a un chat noir qui est passé, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ce chat noir qui est passé, ça montre que je ne vais pas réussir à ce que je voulais faire, etc., etc. Tout ça, c'est de l'augure. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.